Thank you. vivant. C'est tout vivant hein, avec c'est la source de vie. Faut pas oublier, c'est tout clair, c'est toujours comme ça. Et j'arrive ici en été et en hiver et c'est toujours rouge et maintenant c'est très clair, autrefois c'est plus vert. Toujours, tu vois, dans la nature.